Après la joie des retrouvailles, un repas rassemble tout le monde dans la maison construite par Harry Grant et deux hommes naufragés. Et les capitaines racontent comment, tels des Robinson, ils ont pu vivre 2 ans et demi sur cet îlot, appelé Tabor sur les cartes françaises et Maria Thérèse sur les cartes anglaises. Sur le document, seul le mot rongé « à bord » avait trompé la sagacité du géographe. Paganel en avait obstinément fait le radical du verbe « aborder » quand c'était le nom propre, le nom français de l'île « Tabor », de l'île qui servait de refuge aux naufragés du Britannia. On revint à bord du Duncan. Glenarvan comptait partir le jour même et donna ses ordres pour le débarquement du quartier maître Ayrton. John Mangles avait d'avance transporté dans l'île quelques caisses d'aliments conservés, des outils, des armes et un approvisionnement de poudre et de plomb. Le quartier maître pouvait donc se régénérer par le travail. Rien ne lui manquait, pas même des livres, et entre autres la Bible, si chère aux cœurs anglais. À 8 heures, les derniers sommets de l'île Tabor disparaissaient dans les ombres de la nuit.